Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. De nos villages au continent, existe-t-il une culture européenne quand la culture devient le langage commun d'une Europe en pleine mutation? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui peut se targuer d'être un mélange de père fouettard et de mentor? Sans doute un directeur de thèse, celui qui accompagne, celui qui guide un étudiant, celui qui dirige le doctorat. Oui, le directeur de thèse, l'homme ou la femme, qui de temps en temps demande un chapitre à son étudiant pour voir si le travail avance, pour voir quels angles sont choisis. L'étudiant est toujours un peu tendu au moment d'envoyer ses chapitres. Vont-ils être bien reçus? La tension est d'autant plus grande quand ces chapitres n'ont pas encore été écrits. Et puis un jour, après quelques années, la thèse est enfin rédigée. Au moment d'écrire les remerciements, pour ceux dont le directeur de thèse a été absent, il y a une ruse. Je remercie vivement mon directeur, ma directrice, pour la grande liberté dont j'ai bénéficié. Pour ma part, mon doctorat portait sur le ministère de la maison de l'empereur Napoléon III, le ministère du faste, un ministère chargé d'organiser la vie du souverain et dès lors qui offrait une image au régime, la fête impériale. Et au moment des remerciements, j'ai simplement écrit « Je voudrais ici exprimer mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude à monsieur le professeur Christophe Charles qui, par son soutien et ses précieux conseils, des fondations de ce travail sous la forme d'un DEA à l'état des lieux final, fut un formidable conducteur de travaux. » Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, Christophe Charles est notre invité. Merci monsieur le professeur. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons étudié ce thème lourd et sévère, culture et territoire. Mais nous avons rajouté cette question, l'œuf ou la poule? Et oui, est-ce le territoire qui fait la culture ou la culture qui fait le territoire? Sous nos pieds, la culture, l'archéologie comme création d'identité et mise en valeur des territoires, le musée exposer le territoire ou le territoire devant la scène, qu'il soit élitaire ou populaire. Le théâtre est un phénomène culturel majeur. Des émissions à réécouter sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, de nos villages au continent, une culture européenne avec vous. Christophe Charles, bonjour. Bonjour et merci pour cette entrée en matière intimidante. Intimidante, mais c'est toujours émouvant de recevoir son directeur de thèse. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, évidemment, Discordance des temps, une brève histoire de la modernité. Et nous réfléchissons de territoire et de culture. Vous êtes l'auteur de La dérégulation culturelle. C'est un ouvrage qui est publié aux presses universitaires de France, et c'est d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle. Et puis plus récemment, vous êtes l'auteur de l'Europe encyclopédie historique que vous avez dirigé avec Daniel Roche. La dimension culturelle doit se comprendre à l'échelle européenne. Oui, c'était un peu ça le double pari des deux livres que vous venez de citer. C'était souvent on réfléchit à l'échelle nationale, à l'échelle locale ou à l'échelle des villes, mais l'idée c'était de voir ce qui pouvait circuler en Europe et comment des cultures venues d'ailleurs s'enracinent dans de nouveaux territoires alors qu'elles n'en sont pas issues. C'était un peu ça les idées qui présidaient à ces deux projets. Et on voit effectivement qu'il y a des choses qui circulent et d'autres qui circulent pas du tout, donc ça pose problème. Pourquoi certaines cultures absorbent, d'autres refusent? Nous avons eu récemment l'exemple du Brexit. Alors certains ont évidemment évoqué des problèmes de politique, des problèmes d'économie, mais je crois qu'il y a aussi une profonde spécificité de la culture britannique qui a beaucoup exporté. Nous sommes très influencés par toute une sorte de phénomène culturel britannique en Europe continentale. Dans le sens inverse, ça a beaucoup varié dans le temps, et on peut penser qu'une partie des origines du Brexit viennent sans doute d'un fossé culturel qui s'est creusé aussi entre la Grande-Bretagne et le continent. Donc je pense que c'est des phénomènes qui, en la voie, sont intéressants en soi pour comprendre les dynamiques des cultures, mais aussi pour comprendre d'autres phénomènes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient sociaux plus largement. Et pour comprendre le phénomène culturel, il est nécessaire de regarder les différents champs dans lesquels la question se pose. C'est vrai que nous pourrions associer facilement un progrès économique. Si nous parlons du 19e siècle, il y a l'industrialisation des capitales, très dynamique, qui pourrait porter une forme de culture. Et en fait, étonnamment, quand on regarde les diffusions culturelles, cela n'est pas concomitant. Par exemple, si on prend l'opéra italien ne correspond pas à un pays qui est en forte progression culturelle, l'Italie au 19e siècle. Oui, alors c'est une particularité de ce genre, c'est en fait un genre beaucoup plus ancien, qui remonte au 16e, 17e siècle, où l'Italie a été un leader, un inventeur, un innovateur, et c'est à partir de l'Italie qu'ensuite l'opéra a été repris dans différentes villes ou dans différentes cours européennes, et l'Italie vit en quelque sorte sur cet héritage et continue d'être un foyer extrêmement vivant jusqu'au milieu pratiquement du 20e siècle. Ça reste un pays très prolifique et inventeur pour diffuser ses opéras à l'extérieur. Inversement, dans d'autres domaines, l'Italie est totalement, effectivement, comme vous l'avez dit, en retard ou en décalage, parce que les nouvelles formes culturelles du 19e siècle reposent sur l'alphabétisation, principalement, sur la lecture, sur l'imprimerie, sur la diffusion des journaux, des livres. Et là, comme l'Italie est un pays où l'analphabétisme est très répandu, où la modernisation industrielle est beaucoup moins avancée, sauf dans le Nord, donc les masses médias sont beaucoup moins développées, etc. Donc il y a des facteurs qui font que l'Italie, sur certains secteurs, va plus du tout être innovatrice ni influente au niveau européen. Alors qu'inversement, on a des nouveaux pôles qui apparaissent. Je parlais un instant de la Grande-Bretagne. C'est clair que la Grande-Bretagne, qui est le foyer de l'industrialisation au démarrage, va pouvoir inonder la culture européenne de ses romans, de ses journaux, de ses modes aussi, puisqu'il y a tout le textile et certaines formes de fabrication qui vont être diffusées à partir de l'Angleterre. Donc il y a des phénomènes culturels, évidemment, liés à l'industrialisation qui vont partir dans Grande-Bretagne pour aller vers d'autres espaces, notamment français, allemand, etc. Christophe Charles, pour évoquer la vigueur culturelle du 19e siècle, je vous propose de faire un petit tour par un court-métrage. Oui, celui de Georges Franju en 1952. Ce court-métrage s'intéresse au grand Méliès parce que le cinéma focalise l'attention comme étant le progrès culturel né à la fin du 19e siècle. Un soir de 1895, passant sur le boulevard qu'en vrai parisien il affectionnait beaucoup, Méliès s'arrêta devant une affiche qui annonçait une représentation du cinématographe Lumière. Pressentant un événement, il entra au Grand Café où Lumière projetait les premiers films tournés avec l'appareil de son invention. Tout à la portée du cinématographe, Méliès l'entrevoyait déjà à travers la naïveté de petits films comme L'arroseur arrosé, L'arrivée d'un train, Les mauvaises fréquentations, etc. Etc. Le grand Méliès, court-métrage de Georges Franju en 1952 qui s'intéresse à la naissance du cinématographe. Christophe Charles, le cinéma est un moment particulier dans l'histoire du 19e siècle, c'est un nouvel apport magnifique, ça fascine énormément, mais il s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général d'effervescence culturelle au 19e siècle. Il faut le rappeler, le 19e siècle est un moment particulier dans tous les domaines de la culture. Oui, on peut prendre justement cet exemple. C'est lié effectivement à la rencontre entre la technique et l'innovation culturelle, puisque d'un côté, on a effectivement un nouveau support, on a un nouveau moyen de diffusion, et on a aussi accumulé tout au long du 19e siècle des nouveaux procédés spectaculaires. Le spectacle au 19e siècle est devenu extrêmement fondé sur des effets spéciaux, sur l'utilisation de la musique, l'utilisation de trucages, etc. Et tous ces apports qui sont déjà utilisés au théâtre ou dans différents spectacles de curiosité vont être repris justement par Méliès, entre autres, mais par beaucoup d'autres ensuite, pour nourrir ce nouveau support, le cinéma, et devenir un genre extrêmement populaire puisque justement il peut récupérer tous ces héritages qui ont été mis en place au cours du 19e siècle. Et puis ce qu'il y a de nouveau évidemment dans le cinéma, c'est la capacité de reproduire ce qui était évidemment la lacune du théâtre qui évidemment doit à chaque fois refaire une représentation et c'est coûteux et ça prend beaucoup. Alors que là, avec un seul film, on peut diffuser à des millions de gens d'un coup et diffuser même à une échelle continentale, voire mondiale, puisque maintenant les grands films américains notamment sont diffusés à l'échelle mondiale. Donc là, on a cet apport technique qui transfigure des apports culturels antérieurs et qui jusque-là étaient limités par évidemment l'enracinement dans un lieu ou dans un espace donné. Une effervescence culturelle doit se comprendre sur la longue durée, Christophe Charles. Vous évoquez des apports antérieurs dans la dérégulation culturelle. Vous évoquez un ancien régime culturel. Quel est cet ancien régime culturel? Justement, c'est cet ancien régime qui fait qu'il y a des publics séparés. On peut pas toucher tout le monde d'un coup, donc on est dans une ville précise. À l'intérieur même de cette ville, il y a des quartiers où il y a quelques équipements et dans d'autres, il y en a pas du tout. Donc les publics ne peuvent pas être homogénéisés aussi facilement. On a d'autre part des limites en termes de coûts parce que la plus grande partie de la population n'a pas de moyens financiers suffisants pour sortir régulièrement ou pour consommer régulièrement des produits culturels. Donc ça limite forcément à certaines couches sociales privilégiées et ceux qui n'ont pas ces moyens, ils attendent ou ils attendent que on trouve de nouveaux moyens pour diffuser ces produits de façon plus économique, etc. Donc c'est ce que j'appelle l'ancien régime, c'est que c'est un régime de privilèges. Il y a des privilégiés de la culture et d'autres qui en sont privés. C'est un ancien régime aussi où il y a un contrôle de l'État qui est quand même très fort, la censure notamment, et puis l'Église ou les Églises qui veulent que les contenus soient conformes à une certaine orthodoxie selon les endroits. Et puis troisième limitation, c'est évidemment le fait qu'il y a encore un héritage de règles de ce qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Les genres sont très codifiés. Une tragédie ne doit pas être une comédie ne doit pas être un drame, etc. Il y a des genres très codifiés. La poésie obéit à un certain nombre de règles aussi. Alors que tout au long du 19e siècle, on va passer son temps à essayer de remettre en cause toutes ces barrières qui étaient l'héritage de ce que j'appelle l'ancien régime culturel. Donc c'est un peu ça le schéma général. C'est évidemment un peu simplificateur, mais je crois que ça répond vraiment à la dynamique de la mise en cause de toutes les barrières, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, politiques, religieuses, etc. Alors ça, c'est un travail jamais fini, puisqu'il y a toujours des retours en arrière. Il y a des régimes qui essayent de réagir contre les licences, comme on dit au 19e siècle. On a vu au cours du 20e siècle aussi de nouveaux régimes qui ont essayé de reconstruire des barrières, qu'elles soient des barrières sociales, des barrières raciales, des barrières politiques. Mais on voit bien que c'est une dialectique permanente, mais je crois quand même globalement, quand on regarde la situation aujourd'hui, on est quand même à peu près sorti de cet ancien régime, puisque le mot d'ordre d'aujourd'hui, et vous êtes ici même à France Culture bien passé pour le dire, c'est faire sauter les barrières et donner la culture à tous. Voilà, exactement. Ça pourrait être le nouveau slogan de France Culture, faire sauter les barrières, donner la culture à tous. Et dans cette analyse de ce développement culturel, de ce foisonnement et de ces barrières qui disparaissent, il y a malgré tout la nécessité de faire une lecture géographique avec des différences, qui sont des différences à l'échelle internationale entre les différents pays et puis même à l'intérieur des nations. Oui, bien sûr. Si on prend même un pays comme la France, et si on se situe dans la première moitié du 19e siècle, il y a une grande partie des Français qui ne peuvent pas accéder à la culture française parce qu'ils ne parlent pas le français, tout simplement, ou parce qu'ils ne savent pas lire. Donc on a déjà tout un fossé, là, extrêmement fort à surmonter. Ça va être justement l'œuvre des régimes successifs, que ce soit la monarchie de Juillet, puis le Second Empire, ou la Troisième République, d'essayer de faire passer cette frontière à tous ceux qui sont privés de l'accès à la culture française. Alors là-dessus, il y a eu des débats, bien sûr, vous connaissez les travaux de Mona Ozouf notamment. Est-ce que ça a été une sorte de déculturation? Est-ce qu'on a interdit les patois? Est-ce qu'on a empêché les gens de garder la culture populaire? Aujourd'hui, on a une vision plus nuancée, mais enfin, en tout cas, il y avait ces fossés internes. Eh bien justement, Christophe Charles, je vous propose d'aller à la rencontre de Marie-Madeleine. Mais Marie-Madeleine, chantée par Jan Franz Kemener, chanteur traditionnel, ethnomusicologue breton, parce que dans l'album Monodie traditionnelle de Bretagne, Jan Franz Kemener refait vivre cette langue qui est toujours vivante, telle qu'elle était chantée au 19e siècle. Considere Marie Madeleine, en estronque tia wankis, na deserbinija. Marie-Madeleine, chantée en breton. Christophe Charles, quand nous parlons de culture, il y a cette culture populaire qui est majeure. Le français n'est pas la langue parlée par la majorité des Français. Il y a les patois et les langues régionales. Comment l'historien peut s'approcher de cette culture populaire? Souvent, la culture telle qu'elle est exposée, telle qu'elle est perçue comme la culture des élites. Nous parlons du théâtre, nous parlons du roman, du cinéma aussi. Comment on peut approcher cette culture populaire? Justement, ça a été beaucoup un des projets des historiens des années 70 et 80 de partir justement d'autre chose que de cette culture un peu légitime ou officielle, et en partant notamment soit de ces produits comme ceux que vous venez de nous faire entendre, c'est-à-dire les chansons, les proverbes, les contes, les légendes, enfin toute cette culture un petit peu enfouie qui a été progressivement d'ailleurs exhumée au cours du 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on récupère tous ces contes populaires, qu'on essaye de retrouver toutes ces légendes, qu'on met en œuvre des musées ethnographiques pour voir comment les gens vivaient, comment ils s'habillaient, comment ils vivaient au quotidien et quels étaient les moments où justement ils pouvaient avoir des étapes culturelles avec les veillées particulièrement. Alors l'autre source, c'est évidemment les souvenirs, parfois des témoignages de personnes issues de ces groupes qui ont pu franchir cette frontière et qui ont pu témoigner de leur enfance. Il y a eu des très grands succès de librairie, si vous vous souvenez, Pierre Chacaz-Elias sur le cheval d'orgueil, les souvenirs de Toinou, paysan auvergnat. Enfin, il y a eu toute cette série dans la collection Terre humaine chez Plon, qui est maintenant disponible en livre de poche. Donc il y a eu tout ce travail pour retrouver tous ces témoignages de personnes qui sont souvent à cheval sur deux moments, deux classes sociales, deux époques, et qu'on peut retrouver. Mais il faut bien le dire que c'est toujours des gens un peu exceptionnels qui ont pu donner ces témoignages. On cite toujours Agricole Perdiguier, menuisier qui a essayé de réformer les compagnonnages. On cite d'autres témoignages comme ça de gens des classes populaires. Mais c'est beaucoup plus répandu en fait en dehors de la France. En Angleterre par exemple, on a énormément d'autobiographies ouvrières qui permettent un peu de se faire une idée de ce qu'était l'accès à la culture dans ces groupes sociaux. Après c'est les ethnologues qui ont essayé de faire le travail, mais alors évidemment c'est toujours avec des personnes âgées. Par exemple dans la collection Terre humaine, c'est un texte que je cite dans mon livre, il y a une paysanne de Hongrie qui travaillait très dur dans les champs et qui avait très peu évidemment de loisirs, et qui raconte ce qu'était la vie dans ces grandes propriétés rurales où on était exploité pendant les récoltes. Et bien le soir il y avait quand même des petits moments de détente en chantant ou en dansant avec des instruments de musique extrêmement rudimentaires qu'on fabriquait soi-même. Donc on a tout ça, mais c'est évidemment toujours un peu des témoignages exceptionnels issus d'un immense silence. Alors il y a aussi les regards des notables, ceux qui évidemment font des enquêtes, essayent de s'intéresser aux groupes sociaux. On peut penser à George Sand avec ses romans ruraux, etc. Donc on a des bribes, mais c'est vrai que c'est toujours un continent en partie obscur, pas entièrement exploré. Oui, c'est difficile d'explorer la culture populaire déjà, mais la culture dans son sens le plus large, comment l'historien du culturel peut approcher, j'ai envie de dire de manière factuelle, comment la culture s'impose, se diffuse. Il faut aller chercher des sources ou aller chercher, j'ai envie de dire des statistiques pour utiliser un mot très large, là où on ne les attendrait pas. Il faut aller regarder dans les bibliothèques les livres proposés. Il faut aller compter des représentations de pièces de théâtre. Oui, alors c'est un peu une de mes manies. J'essaye de mettre des tableaux, des chiffres pour comparer les choses. Mais c'est vrai que c'est toujours des données très très fragiles, parce que c'est vrai que la culture dans l'esprit commun, c'est ce qui est inaccessible ou ce qui est distingué. Et donc quand on quantifie, on a l'impression qu'on écrase les choses sous des données un peu simplificatrices. Mais quand même, quand on compare simplement un chiffre aussi stupide que vous avez vous-même d'ailleurs utilisé dans votre maîtrise, si mes souvenirs sont bons, le nombre de représentations d'une pièce, bon, ça peut paraître anecdotique, mais dire que telle pièce de Victor Hugo a eu 30 représentations et une autre 2, ça dit quand même quelque chose sur l'appréciation du public. Donc même si c'est un peu sommaire comme analyse par rapport à ce que pourrait dire un critique qui a assisté à la représentation, ça nous dit quand même si le public a marché ou n'a pas marché. Aujourd'hui encore, on compte le nombre d'exemplaires des prix Goncourt, on compte le nombre d'entrées des blockbusters, donc ça quand même dit quelque chose sur la réception. Alors ça ne suffit pas pour expliquer évidemment un phénomène, mais ça donne déjà des pistes pour se dire pourquoi ce film-là a marché et pas celui-là, pourquoi cette pièce-là a rencontré son public et celle-là n'a été redécouverte que 30 ans après. Tout ça, c'est quand même très significatif des rapports d'une société avec une culture. Ça ne dit pas tout, mais ça dit quand même quelque chose. Et puis, il est possible d'aller plus loin et de regarder si cette pièce a été jouée dans d'autres capitales et dès lors, on peut réfléchir à la diffusion. Absolument. Alors là, il y a aussi tout cet aspect de la circulation des œuvres. Bon, je prendrai un exemple, c'est pas une pièce, mais un roman qui a été une sorte de blockbuster de l'époque, c'est les fameux Mystères de Paris d'Eugène Sue, dont a priori, vu le titre, on pourrait se dire ça n'intéresse que les Parisiens, puisqu'il va faire un roman entièrement fondé sur la description des différents groupes sociaux à Paris. Mais pas du tout, c'est un livre qui a eu un succès absolument européen, qui a été traduit dans toutes les langues importantes d'Europe, et qui même a été imité et refait sous d'autres formes. On a eu les Mystères de Berlin, les Mystères de Moscou, les Mystères de Madrid. Donc c'est devenu une sorte de modèle pour que chaque ville, chaque pays, à travers cette ville principale, se regarde lui-même et s'ausculte quant à ses problèmes, parce qu'évidemment c'est un roman qui pose sur les problèmes sociaux d'une grande ville, et évidemment c'est similaire dans d'autres grandes villes. Donc il y a un effet d'imitation hein, tout à fait intéressant, qui révèle qu'une société européenne commence à se regarder avec les mêmes yeux, quel que soit l'endroit. Bien justement, Christophe Charles, je vous propose de nous plonger dans les bas-fonds à travers les Mystères de Paris d'Eugène Sue. C'est une adaptation de l'ORTF par Marcel Craven en décembre 1961. Je m'appelle Rodolphe. Je suis peintre en éventail. C'est tout? Ça te va? Sûr que ça lui va. Et toi? Moi? Mais qui es-tu? Tes parents? Je les connais pas. Lieu de naissance? Le coin de la rue. La borne à gauche ou à droite en descendant le ruisseau. On est logé au même numéro. Et qui t'a élevé? Du plus loin que je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans. J'étais avec une borgnesse qu'on appelait la Chouette. La Chouette, quel nom! Elle avait un long nez pointu et un œil vert tout rond. Et alors? Elle disait qu'elle m'avait ramassée dans la rue. Elle m'appelait la Pégriotte. Elle m'envoyait mendier ou vendre des sucres d'orge sur le pont neuf. Quand je rapportais rien... Ah, t'avais la ratapiole! Quand je rapportais, elle me battait quand même. Pourquoi? Pour que je pleure, elle disait que ça attendrit le monde. Un extrait des Mystères de Paris, adaptation par Marcel Craven, c'était sur l'ORTF en décembre 1961. Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Comme nous réfléchissons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur les liens entre le territoire et la culture, nous avons un bon exemple avec les Mystères de Paris parce que l'auteur Eugène Sue ne vit pas dans les bas-fonds qu'il décrit. Pas du tout, non, c'est un dandy extrêmement lancé dans la bonne société et qui va d'ailleurs sans doute utiliser, non pas tellement des enquêtes de terrain, parce qu'on le voit assez mal, aller fréquenter les endroits dont il parle dans son roman, mais en réalité il s'appuie sur des enquêtes justement qui venaient de paraître ou qui étaient parues dans les années précédentes, notamment la fameuse enquête de Frégier sur les classes dangereuses dans les capitales, et on voit qu'il démarque une partie de ces enquêtes en prenant des exemples tirés de ces statistiques ou de ces enquêtes, et il s'inspire aussi d'un autre auteur, Parent du Châtelet, qui avait fait toute une enquête sur la prostitution. Et justement, dans le Mystère de Paris, il y a plusieurs personnages de prostituées importants. Donc il y a un lien, on voit bien, entre une sorte de culture populaire représenté par ce roman feuilleton qui va être lu par des centaines de milliers de personnes et des enquêtes qu'on pourrait presque qualifier de sociologiques qui sont en train de se mettre en place à l'époque et qui sont liées à un souci de l'État qui est l'incertitude sur la sécurité publique puisque il y a tout un discours inquiet dans ces années 1830 sur le fait que la criminalité augmente, qu'il y a de plus en plus de vols, qu'il y a de plus en plus d'assassinats à Paris et surtout qu'il y a toute une population flottante qui nourrit ces bas-fonds et qui ne vit au jour le jour et ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait. Avec une volonté de contrôler de plus en plus le territoire. Et si nous reprenons les mystères de Paris d'Eugène Sue comme objet culturel, nous avons également l'objet livre. C'est-à-dire que le livre est un objet qui lui aussi s'inscrit dans une économie beaucoup plus générale. Oui, alors avant le livre, il y a le journal, puisque l'originalité des Mystères de Paris, c'est d'abord d'être publié en roman feuilleton, donc sous forme d'épisode dans le journal des débats. Puis une fois qu'on a vu que ça a eu un succès considérable sous forme de journal, on le reprend en volume. Et puis après le volume, il y a une pièce de théâtre, il y aura plusieurs adaptations. Et puis ensuite, il y a ces films, puisque dès la fin du 19e siècle, il y a des adaptations des Mystères de Paris. Puis il y a après la télévision avec l'extrait que vous avez cité. Donc on voit comment une œuvre culturelle se transforme au fil des années, au fil des transformations technologiques, et diffuse, évidemment, au début c'est lu par les Parisiens, après c'est lu à l'échelle nationale par les cabinets de lecture, et puis après c'est lu à l'échelle européenne, et puis maintenant peut-être à l'échelle mondiale, je ne sais pas s'il y a une traduction chinoise pour occuper les malheureux Chinois qui s'ennuient chez eux en attendant la fin de l'épidémie. Les mystères de Pékin. Christophe Charles, avec les mystères de Paris, nous pouvons évoquer cette notion de culture de masse. Est-ce que le 19e siècle est marqué par une massification de la consommation culturelle ? Oui, incontestablement, puisque là, on a changé de dimension. Les livres sous l'ancien régime culturel dont je parlais tout à l'heure, c'est quelques milliers d'exemplaires. Et là, on passe tout de suite à des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Et pour les journaux, on a des tirages de millions d'exemplaires. Donc les romans feuilletons qui sont publiés dans des journaux comme Le Petit Parisien, qui tire à 1 500 000, sont lus par plusieurs millions de personnes. Donc on est tout à fait on a changé complètement de dimension, et tout à fait à l'échelle de ce que l'on connaît aujourd'hui quand on parle des points d'audimat de la télévision. Et puis, c'est une culture qui doit se comprendre à l'échelle européenne. Votre travail, Christophe Charles, la dérégulation culturelle et cette histoire des cultures en Europe au 19e siècle, ou encore l'Europe encyclopédie historique, appréhende la culture à l'échelle européenne. Bah, c'est un peu ce que fait aussi Maria Candido, la chanteuse Maria Candido, qui, elle, chante la chanson de l'Europe. C'était en 1957. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de brume. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim. Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime, de grands-pères espagnols avec du sang germain. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes et j'ai tout oublié pour lui tendre la main. Et pourtant, le ciel de nos villages a les mêmes chagrins et les mêmes couleurs. Et pourtant, la mer sur nos Maria Candido en 1957, la chanson de l'Europe. Ah là là, nous ne sommes pas dans l'avant-garde déjà en 1957, c'est sûr. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Philippe Mercher. Christophe Charles, nous cherchons aujourd'hui dans le cours de l'histoire l'œuf ou la poule, le territoire et la culture. Comment s'associent les territoires et la culture avec cette réflexion autour de la diffusion de la culture au 19e siècle, ce nouveau régime de la culture, une culture de masse. Dans cette culture de masse, il y a malgré tout d'autres territoires. Au-delà de ceux de la géographie, il y a les territoires sociaux qui sont des éléments essentiels pour comprendre la diffusion de la culture. Oui, alors là, c'est un vaste sujet, puisqu'il y a une différenciation de la société au cours du 19e siècle, avec justement ce qu'on avait évoqué tout à l'heure sur l'industrialisation. Mais il y a aussi un autre phénomène très spécifique du 19e siècle, c'est l'émigration, en particulier l'émigration des campagnes vers les villes, si bien qu'on se retrouve avec des personnes qui sont issues de cette culture populaire rurale, qui se trouvent projetées dans des espaces urbains qu'ils ne connaissent absolument pas, avec lesquels ils ne sont pas forcément en affinité. Et dans certains endroits, on le sait, ils se sont créés des quartiers où les gens de même origine se sont regroupés. Hein. On parle souvent, par exemple, des Bretons dans certains quartiers de Paris. On parle des Auvergnats, on parle dans les ports du Sud des gens venus d'Italie qui se regroupent. Donc ces gens, évidemment, essayent de maintenir leur espace culturel alors qu'ils sont dans un espace englobant très différent. Mais au bout de quelques années, voire générations, on sait très bien qu'il y a finalement une fusion, en tout cas une atténuation de ces barrières. Autre phénomène migratoire, c'est la migration internationale. Le 19e siècle a déclenché des très grands mouvements à l'échelle des pays, hein, entre par exemple les Polonais qui vont travailler dans les mines de la Ruhr. Évidemment, c'est un changement radical de culture, puisqu'on passe d'un pays très catholique à des régions parfois protestantes. On passe de gens qui parlent le polonais ou des dialectes polonophones et qui se retrouvent évidemment dans des zones germanophones. Et puis, on a évidemment un phénomène de domination culturelle, puisque, comme toujours, les migrants sont rejetés vers les positions sociales les moins bonnes. Donc tous ces gens, évidemment, sont un peu aux frontières de la culture, notamment de leur culture environnante, et on a évidemment des problèmes pour l'intégration. Alors, dernier phénomène en termes sociaux, c'est évidemment tout ce qui est lié à l'alphabétisation, puisque c'est un des grands projets du 19e siècle, et cette alphabétisation va utiliser la culture de l'école pour essayer de faire pénétrer dans des couches sociales qui ne les connaissent pas du tout des œuvres qui avaient été conçues au départ dans une toute autre époque. Hein, on peut penser aux fables de La Fontaine qui vont nourrir la culture des petits écoliers de la Troisième République. Il est clair que les fables de La Fontaine n'avaient pas du tout été prévues pour ce type de public. On peut penser aussi aux comédies de Molière, qui au début ont été quand même des comédies vues par le roi et la cour, et qui maintenant vont être utilisées pour essayer de faire partager une autre culture à ces couches nouvelles de la société de la fin du 19e siècle. Donc on a tous ces phénomènes de rencontres tout à fait improbables, inédits, et qui produisent évidemment des effets complexes. Et bien justement, dans ces rencontres improbables et inédites, nous allons à la rencontre d'une vedette du théâtre à la fin du 19e siècle, c'est Labiche. Ah, Labiche, non, mais c'est formidable Labiche, parce que la question est de savoir à qui sont destinées ces pièces. Et bien, Michel Debré donnait une réponse. Oui, Michel Debré, celui qui met en place la constitution de la 5e République, il donnait une réponse dans l'émission Aujourd'hui Madame, c'était sur la deuxième chaîne de la télévision française, le 5 septembre 1978. J'ai toujours pensé que Labiche avait été un observateur sérieux de son temps. C'est vrai, il peint une société parisienne ou une société provinciale qui ne connaissent pas le problème social, une société très simple, aux objectifs et aux ambitions limitées. C'est une description intéressante et où il y a un certain nombre de traits de caractère qui sont des traits de caractère éternels. Le beau rôle n'est jamais donné aux faibles, aux opprimés, aux humbles. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en prie, ne tombez pas dans le travers qui consiste à vouloir mettre la politique en toute chose. Bientôt, on ne pourra pas admirer un paysage si ce paysage n'a pas une couleur politique. Il y a des pièces de théâtre qu'il faut prendre comme elles le sont, et ce n'est pas parce que ce ne sont pas des pièces à thèse qu'il faut décider que ce sont de mauvaises pièces. C'est une très bonne description d'un certain milieu social avec des personnages, et j'ajoute que Labiche a parfois des jugements sévères, des jugements sérieux. L'avis de Michel Debré sur les pièces d'Eugène Labiche, donc l'avis d'un homme, la vie, le vécu, et donc le jugement que porte un homme du 20e siècle sur un auteur du 19e siècle, Christophe Charles, Eugène Labiche, personnage essentiel du monde du théâtre, pièce importante, gros succès populaire. Quelle lecture avez-vous de ces énormes succès populaires par rapport à ce que vient de dire Michel Debré? Je ne sais pas, parce que comme il ne donne aucun exemple, c'est très général ce qu'il dit. Bon, là, une des pièces les plus connues, c'est le voyage de Monsieur Perrichon. Alors, on peut la voir comme une sorte de satire des nouveaux bourgeois qui veulent imiter les classes supérieures de l'époque, puisqu'ils vont partir en vacances, ils vont partir en villégiature, ils sont attirés par les Alpes, puisqu'ils vont à la mer de glace, etc. Donc, est-ce que c'est les bourgeois qui se moquent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est les classes supérieures qui se moquent des nouveaux bourgeois? Tout est possible. On sait très bien que dans le théâtre de Molière également, il y a des satires de l'aristocratie. Or, on sait que dans la salle, il y avait l'aristocratie qui regardait. Donc, est-ce que c'est vraiment aussi méchant qu'on le pense? Parce que sinon, les aristocrates seraient sortis aux pièces de Molière et les grands bourgeois qui voyaient cette satire des bourgeois seraient sortis aussi. Donc, je pense qu'ils pensent toujours que c'est les autres. C'est jamais eux-mêmes dont on se moque. Voilà un peu comment j'interprète. Mais pourquoi ensuite ça se diffuse bien au-delà, puisque maintenant ça passe à la télévision et c'est vu par des gens qui ne connaissent même plus cette société du 19e siècle, qui ne voient plus les allusions à des mœurs qui ne sont plus du tout les nôtres. Donc je crois que c'est plutôt parce que, évidemment, il y a un rythme, il y a des formules, il y a des petits épisodes. Enfin, c'est tous ces petits à côté qui font que ça marche encore et que des pièces de la même époque qui peignent un peu le même milieu ne marchent plus du tout parce qu'on ne comprend plus rien. Alors que là, chez Labiche, il y a effectivement encore des choses qui accrochent dans notre imaginaire ou dans... Mais c'est toujours très compliqué de comprendre pourquoi quelque chose marche encore et a perduré jusqu'à Michel Debré, voire au-delà, et pourquoi d'autres ont totalement été oubliés, puisque vous le savez bien, il y avait des centaines de pièces qui étaient mises sur la scène, et aujourd'hui, combien en ont émergé aujourd'hui encore dans notre culture, quelques dizaines ou quelques unités. Donc il y a tout ce problème du filtrage ultérieur, et faire l'analyse de ce filtrage, en soi, c'est un travail. En soi, c'est un travail et c'est une démarche de l'historien qui est complexe, de l'historien des phénomènes culturels. Parmi ceux qui sont identifiables, ou en tout cas identifiés et souvent mis en avant pour la fin du 19e siècle, il y a ces avant-gardes. Le mot un peu passe partout pour signifier beaucoup de choses. Comment analysez-vous, Christophe Charles, ces avant-gardes du 19e siècle? Ce sont des artistes rebelles qui décident de sortir du champ tel qu'on les a présentés comme les auteurs de la bohème? Oui, alors justement, je crois que c'est lié à ce que je disais sur cette sortie de l'ancien régime culturel. Il n'y a pas d'avant-garde dans l'ancien régime culturel puisqu'on est déjà dans une société stratifiée, donc chaque type de culture a son type de public et son type d'auteur. À partir du moment où on mélange tout, puisque c'est un peu ça le processus qui se met en place au 19e siècle, ceux qui veulent se distinguer ont du mal. Ils sont mélangés avec des choses qu'ils considèrent comme vulgaires, ordinaires, ils sont obligés de passer par des appareils de diffusion qui normalisent les œuvres, etc. Et on voit bien que tous ceux qui vont essayer justement de se placer en avant-garde ou en décalage par rapport, ce sont ceux qui refusent justement ces nouvelles règles du jeu. Alors ça les empêche pas de jouer parfois un double jeu, hein. On connaît le cas de Théophile Gautier, qui est un des premiers à prôner l'art pour l'art, c'est-à-dire un art qui ne sert à rien, qui refuse le commercial, la soumission à l'industrialisation. Alors on sait que d'un côté, il fait effectivement des poèmes extrêmement purs, extrêmement hors de la réalité quotidienne. Et puis par ailleurs, pour survivre, bah, il fait des petits feuilletons, il fait des romans un peu adaptés à la... Donc il est dans un double jeu. Ça, c'est un premier type d'avant-garde. Alors, il y en a d'autres, c'est effectivement celle que vous citez, c'est la bohème, c'est ceux qui se mettent complètement en dehors de la société, qui vivent entre eux, les artistes peintres avec les sculpteurs, avec les écrivains, avec les poètes, et qui vivent dans des quartiers ou dans des espèces de communautés. Bon, en général, ça dure pas très longtemps, parce qu'on peut pas survivre très longtemps comme ça. Mais alors, eux, ils refusent carrément d'être intégrés dans la société. Et on a aussi le même phénomène à la fin du 19e siècle, par exemple, avec le phénomène du bateau lavoir, où on a une espèce de communauté d'artistes qui vit un peu en vase clos dans un quartier périphérique de Paris et qui attend que quelqu'un va les aider et les sortir de cette misère acceptée. Mais tout ça, c'est lié aussi à l'idée qu'il y a un progrès. C'est donc la grande idée du 19e siècle, c'est-à-dire l'idée que ces gens qui sont marginaux aujourd'hui, un jour vont être reconnus parce que les yeux des gens vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir, les bourses surtout vont s'ouvrir, et donc ils vont finalement avoir leur heure de gloire. Mais ils attendent, quoi. Ils attendent parce qu'ils pensent que c'est pas, ils sont pas faits pour le public d'aujourd'hui, ils sont faits pour un public à venir, c'est ce que disait déjà Stendhal, hein. J'écris pour les happy few, pour ceux qui vont avoir le bon goût de me reconnaître reconnaître, mais ça sera plus tard que j'aurai un grand public. Donc ça traduit justement cette idée qu'il y a une progression de l'accès à la culture, mais que la culture pour l'élite ne peut pas être tout de suite absorbée par la culture de masse. Et bien justement, la culture pour l'élite est également une niche, j'ai presque envie de dire une bohème luxueuse et dorée, et qui est un chant réservé pour certains. Oh, écoutez quelques notes. C'est une petite phrase de Camille Saint-Saëns, une petite phrase évoquée dans Jean Santeuil et dans La recherche du temps perdu par Marcel Proust. Quelques notes de Camille Saint-Saëns, la petite phrase qui nous conduit tout de suite du côté de chez Swann, chez Marcel Proust. Christophe Charles, dans La dérégulation culturelle, cet essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle, il y a ce mot « dérégulation ». Là, avec Camille Saint-Saëns, nous sommes dans une forme de culture réservée, ou en tout cas que se réserve une partie de l'élite. Oui, alors ça, c'est évidemment ce que je constate aussi dans le livre, le décalage entre certaines formes culturelles, puisque la musique, c'est celle qui va être la plus tardivement industrialisée. Alors aujourd'hui, elle l'est complètement avec la musique populaire et tous les nouveaux supports. Mais à l'époque, évidemment, on ne peut accéder à la musique que grâce à la représentation, au concert, à l'interprétation ou avec des instruments qu'on peut posséder chez soi. Mais on n'a pas encore les supports technologiques qui permettent de reproduire la musique et de la consommer justement d'une autre façon. Et c'est pour ça que les musiciens, en tout cas les plus célèbres ou les plus reconnus, doivent passer par la bonne société. Ils doivent faire leur preuve devant la bonne société qui seule dispose justement des moyens de les faire jouer, soit sous forme de représentation dans des salons privés. Il y a beaucoup d'épisodes dans La recherche du temps perdu où on voit ces musiciens qui se produisent dans les salons de la bonne société, ou alors dans des salles spécialisées comme la salle Gaveau, etc., qui permettent à des musiciens nouveaux de se faire connaître. Mais tout ça, évidemment, c'est très long. Ça demande d'avoir des relations dans ce milieu particulier, ça demande d'avoir des mécènes parce que tout ça coûte cher à mettre en place. Et puis ensuite, le succès, c'est surtout par l'opéra qu'on l'a. C'est l'opéra qui permet d'accéder à la vraie célébrité, puisque là, on touche un public beaucoup plus large. Donc la musique est en retard, en décalage par rapport aux autres genres, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma. Et il faudra vraiment que les nouvelles technologies prennent en charge la musique pour qu'on ait la même rapidité d'accès au grand public. Et puis avec une diffusion qui est à l'échelle européenne, vous avez évoqué, Christophe Charles, l'opéra. Eh bien justement, nous allons aller à la rencontre d'une figure de l'opéra, c'est Wagner, Ludwig ou le crépuscule des dieux. Ça, c'est le titre du film de Luchino Visconti en 1973. Ludwig, nous voici. Cette magie me lie à toi pour toujours, mon aimé, depuis le premier soir où mon regard s'est posé sur toi, dès ce premier regard. J'ai compris que tu étais la réponse à tous les rêves que j'avais faits. Oui, mes yeux t'ont vu, mon cœur t'a reconnu. Mon cœur a entendu battre le tien, l'unique. C'est un poème ravissant, mais la poésie se suffit à elle-même, a-t-on besoin de musique ? Mais la poésie de Wagner vaut d'abord pour sa musique, et sa musique vaut d'abord pour sa poésie. L'une ne pourrait pas vivre sans l'autre. Et de cette fusion merveilleuse naît un nouveau langage que comprennent tous les hommes. Cette musique est un chemin vers le ciel. Et c'est un langage qui révèle aussi de grandes idées. Comment expliquer cela? Moi, je le sens, je le sais, cette musique est le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à l'humanité, car elle apporte la vraie paix de l'âme. Ludwig ou le crépuscule des dieux de Luchino Visconti en 1973, où Louis II de Bavière évoque Wagner. Nous sommes en Bavière, nous parlons d'un compositeur allemand, mais en vérité, la culture telle qu'elle doit être appréhendée au XIXe siècle nécessite une échelle continentale, européenne. Après, il faudrait définir le cadre de cette Europe, mais elle ne peut pas être nationale, Christophe Charles. En tout cas, pour ce type d'œuvre qui demande des moyens considérables pour être représentée, c'est vrai que pour que ces œuvres durent, il faut qu'elles soient vues, pas seulement dans un seul endroit, parce que c'est un investissement considérable de mettre en place des opéras, surtout des opéras nouveaux. Et justement, ça a été un des grands problèmes de Wagner, puisque les types d'œuvres qu'il a faites sont particulièrement importantes à monter. Et s'il n'avait pas eu effectivement le mécénat d'abord de Louis II de Bavière, puis d'autres personnages, il n'aurait jamais pu accéder à la reconnaissance, puisque ses œuvres, en plus, étaient sinon d'avant-garde, en tout cas choquaient un certain nombre des amateurs d'opéra, parce qu'elles rompaient avec un certain nombre de pratiques, notamment celle de l'opéra italien contre lequel Wagner était vraiment en fureur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, pour revenir à la thématique du territoire, que si effectivement il a d'abord été en Bavière qu'il a pu se faire reconnaître, c'est par la diffusion dans d'autres pays, notamment à travers la reprise de ses œuvres en France, puis en Angleterre, en Italie, qu'il est devenu vraiment un compositeur incontournable. Et s'il était resté juste un compositeur allemand, il serait aussi oublié que d'autres compositeurs, dont je ne vous citerai pas le nom, mais qui ont disparu complètement de la mémoire des hommes. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu effectivement une dimension européenne de Wagner et qu'il y a eu des mouvements wagnériens dans toute l'Europe, parce que c'était une façon de se libérer de l'Italie. Hein. On avait évoqué au début de l'émission le poids de l'héritage italien dans l'opéra venant de l'Ancien Régime. Eh bien, au cours du XIXe siècle, des écoles nationales d'opéra se mettent en place, en Allemagne, bien sûr, avec Wagner notamment, mais aussi en Espagne, mais aussi en Hongrie, mais aussi en Pologne, et elles se libèrent des modèles italiens et elles créent des genres à part, par rapport à ces modèles italiens. Mais tout ça, ça a demandé des soutiens, aussi bien dans l'aristocratie ou même dans certaines monarques, mais aussi dans des mécènes de la riche bourgeoisie de l'époque. Dans cette dérégulation culturelle que vous étudiez, Christophe Charles, nous sentons qu'au XIXe siècle, il se passe quelque chose parce qu'il y a une dérégulation, il y a de moins en moins de règles, pour simplifier le mot. Vous avez un regard sur une durée beaucoup plus longue, notamment jusqu'au XXe siècle et jusqu'à nos jours, le XXIe siècle. Quel regard vous portez sur cette dérégulation? Elle a existé au XIXe siècle, c'est ce que vous étudiez. Est-ce que aujourd'hui, où la culture est diffusée comme jamais, notamment grâce à Internet, cette dérégulation est toujours aussi viable? Est-ce qu'étonnamment, là où on a le plus de culture, en fait, il n'y a pas aussi énormément de règles? Alors les règles, elles sont pas fixées maintenant par le producteur ou par l'auteur, mais elles sont de plus en plus fixées par les médias, en tout cas par les intermédiaires, par ceux qui diffusent. On a tous les débats autour des GAFA, tous ces règles que les GAFA imposent ou n'imposent pas, selon les cas, au contenu, les modérateurs qui sont censés éliminer des contenus offensants ou qui pourraient être dangereux pour l'espace public. On a le problème évidemment des impôts. Qui paye les impôts quand on est à des échelles où les États s'avèrent impuissants pour faire payer les taxes pour ces entreprises multinationales? On a le problème des droits d'auteur, puisque mes nouveaux médias reprennent des contenus dont ils n'ont pas payé le coût, et c'est les autres, ceux qui ont payé les coûts, qui se sentent dépossédés des bénéfices attachés à la mise en œuvre de ces œuvres. Donc on a tous ces problèmes où effectivement on est dans une dérégulation généralisée, mais c'est pas la même que celle que je décris. C'est une dérégulation où là qui vide de son contenu même les véritables producteurs ou les véritables créateurs au profit d'intermédiaires ou de technologies qui elles en réalité ne sont que des instruments qui exploitent le travail des autres. Donc là on est dans un nouveau modèle totalement différent qui évidemment pose des très gros problèmes dont on connaît les enjeux, mais sur lesquels on a l'impression que les gens sont un peu impuissants à faire face. La dérégulation culturelle du 19e siècle a permis un foisonnement culturel. La dérégulation culturelle de la fin du 20e siècle et du 21e siècle, en fait, aurait tendance à étouffer la culture. Pas étouffer, mais en tout cas à l'exploiter au profit de minorités qui ne sont pas les véritables producteurs ou auteurs. C'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup Christophe Charles. La dérégulation culturelle, c'est aux presses universitaires de France et l'Europe encyclopédie historique chez Actes Sud, un ouvrage que vous avez dirigé avec Daniel Roche. Merci beaucoup. Merci Xavier Mauduit. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'Histoire ce matin, un documentaire sur la mémoire de la guerre civile sri-lankaise, Demons in Paradise. Vous vous souvenez peut-être de ce sketch des Inconnus qui rejouait un magazine d'actualité, en l'occurrence 7 sur 7 d'Anne Sinclair. Bernard Bourdon y campait un expert des relations internationales, délivrant un pastiche d'analyse géopolitique, à la fois brillante et farfelue, sur la position des multiples factions de fiction, actrices de la guerre du Liban. On y croisait des calvinistes musulmans, des ashkénazes bouddhistes et des tamouls de Palestine. Une myriade de groupuscules qui rendaient illisible une guerre civile des années 80. Demons in Paradise, loin du comique télévisuel, raconte la mémoire d'une de ces guerres aux multiples acteurs, celle de la guerre civile au Sri Lanka qui a duré 26 ans. நாங்க தமிழரா எங்களோட மொழியை சுதந்திரமா பேசுற உரிமை 23rd ஆண்டு ஜூலை மாதம் அந்த இரவு முழு கொழும்பு நகரமும் ஒரு தீச்சுவாலையா மாறிடுச்சு. Le réalisateur de Demons in Paradise a vécu cette guerre. En 1983, il a 5 ans lorsque sa famille doit fuir en train Colombo, la capitale, chassée par des émeutes contre les Tamouls, la minorité hindoue du pays orchestrée par la majorité singhalaise. Les tensions ethniques sont exacerbées de longue date puisque le Royaume-Uni a longtemps joué des dissensions pour asseoir son autorité en favorisant les Tamouls jusqu'à l'indépendance en 1948. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois des agressions de ce type. La famille de Judy Ratnam en a déjà connu en 58 et en 77. Le film suit la route de cet exil en train vers le nord du pays pour gagner une enclave tamoule où vont se déchaîner les guérillas pour l'indépendance d'un état tamoul contre l'armée sri-lankaise dans un premier temps, puis entre elles dans un deuxième temps, pour gagner le pouvoir et la direction d'une nation tamoule indépendante qui n'existera jamais. La guerre civile s'est achevée en 2009 et le climat reste tendu entre les communautés. தமிழருக்கும் சிங்களவருக்கும் இடையில பகைமை வளர்ந்துச்சு. ஆனா அன்னைக்கு இரவு நாங்க அகதிகளா குழுந்திருந்து தப்பி போனோம். Cette route de l'exil, c'est surtout celle de son oncle, engagé dans une des guérillas minoritaires qui défendait un avenir socialiste pour les Tamouls, le héros familial installé depuis au Canada, comme nombre d'anciens combattants. Judy Ratnam se souvient de cet aîné qui passait quelques jours et disparaissait pour longtemps. On rencontre aussi d'autres combattants, notamment un vétéran des Tigres Tamouls, faction puissante et bientôt fascisante, qui a entrepris d'éliminer ses rivales, transformant une guerre de libération en combat fratricide. Un air de déjà-vu pourrait apparaître à lire le synopsis du film. Ils sont nombreux depuis Ritipan à avoir demandé aux acteurs de massacres interethniques de rejouer les gestes de la violence répétée pour entreprendre le travail de mémoire nécessaire à la reconstruction d'une vie commune. Mais ces séquences de repérage des QG des différentes milices, ces séances d'habillage et de déshabillage pour dire la nécessité constante de cacher son identité ne sont qu'un préalable pour ouvrir un dialogue entre ces anciens combattants repentis. Sidérés par leur propre cruauté, ils évoquent ensemble le fonctionnement de la communauté tamoule pour trouver les racines de ce déchaînement de violence au-delà de tout nationalisme, dans une peur ancrée et construite dans l'histoire, une peur qui mène à l'obéissance aveugle à la loi du plus fort. Merci beaucoup Anaïs. Demons in Paradise sort en DVD et il est possible de retrouver tous les liens utiles sur la page du journal de l'Histoire et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Alexandre Manzanares. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Demain, balade radiophonique à Berlin sur les traces de ce qu'il reste aujourd'hui de la République démocratique allemande.